Et Jeanne ne s'est pas contentée de faire le récapitulative de la veille. Elle a aussi eu la chance d'interroger Sébastien Roux sur son travail et sa performance de hier soir. Et c'est ce que je vais vous diffuser maintenant. Comment libérer l'écoute pour être le plus naturel possible et essayer de tirer quelque chose d'intéressant, ou je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, que je me suis posé la question du cobaye, comment, enfin, entre guillemets, comment il peut se sentir à l'aise ou rentrer dans l'histoire de l'écoute. Et je me suis dit, évidemment, là, on était dans des très bonnes conditions d'écoute, mais on rentrait plus dans l'écoute que le moment expérimental, mais parce que voilà, il y a tout un environnement avant, en fait, dans le discours, dans les circonstances, qui influe de toute façon. Ouais, l'aspect social. Ouais. Pardon, qu'est-ce que tu veux dire par le moment expérimental? Alors, ouais, faut qu'on te raconte. Voilà, racontez-moi. Racontez-moi l'histoire. En fait, donc ce soir, on a fait une séance d'écoute de cette pièce, Les Disparitions, entre parenthèses, ambiante acousmatique. Et. Je suis arrivé la semaine dernière et en parallèle de ce concert, j'ai proposé à des personnes volontaires de participer à un petit protocole expérimental, une petite expérience d'écoute individuelle d'une heure au casque, qui soit un moyen d'essayer un peu de comprendre, enfin d'exploiter certains éléments de la pièce qui a été diffusée ce soir. Comme des, on va dire, comme des stimuli pour une expérience scientifique. Et il y avait trois expériences. Il y en avait deux qui étaient sur des aspects vraiment de perception, est-ce qu'on a entendu un son jusqu'à la fin ou pas, à quel moment on va reconnaître un son. Ça reprend la première pièce qui est jouée ce soir, où c'est un son d'écluse qui est enregistré depuis plein de points de vue. Et j'ai eu l'impression, en faisant l'expérience de l'enregistrement, que en fait, quand on était hyper près de l'écluse, on entendait un truc abstrait. Alors nous, on est dans la musique et tout, donc on pense tout bruit blanc filtré, un truc fait par un synthé ou quoi. Et c'était en se reculant, en prenant de la distance, en laissant l'environnement sonore autour un peu prendre de la place, et aussi juste le son qu'on n'entend pas de la même manière. J'ai l'impression que c'est comme si on regardait des molécules d'eau, on ne pourrait pas dire que c'est de l'eau, que c'est la mer, tu vois. J'avais envie de tester ça. Est-ce que quand je fais écouter ces enregistrements à des personnes, à quel moment elles sont sûres que c'est une chute d'eau? Donc, une petite écoute, la question, est-ce que vous pensez que c'est une chute d'eau? Est-ce que vous êtes sûr? Pas du tout sûr 1, tout à fait sûr 7, et puis voilà. Donc, il y avait deux expériences comme ça sur la perception des sons. Et une dernière expérience qui était plutôt un retour d'écoute. Donc, je fais écouter quelque chose, et après, c'est une discussion assez libre sur la personne qui a écouté, elle raconte son expérience d'écoute. J'ai pensé à ça, j'ai trouvé que le son était comme si, mais pas une analyse, tu vois, pas dire le compositeur, il a la pièce est structurée comme ça et puis probablement c'est pour générer tel truc. En plus bon là c'est des field recording donc c'est un peu différent, mais c'était pas l'idée de faire une analyse. Et c'est pas facile en fait de générer des conditions qui permettent d'une part d'avoir une écoute on va dire de concert et ensuite d'avoir un compte rendu d'écoute qui soit aussi vraiment raconter ce qui s'est passé dans l'écoute. Il y a désolé j'ai pas, mais par exemple on parlait de une des premières personnes qui s'est vraiment intéressée à essayer d'analyser l'expérience d'écoute, c'est un compositeur qui s'appelle François Delalande, c'est ça hein, je me trompe pas, François hein. Ouais, je crois, ouais. Delalande. Monsieur Delalande. Et il essaie vraiment de mettre en place un peu des protocoles d'expérimentation, plus que, enfin comment dire, c'est pas vraiment des expériences scientifiques parce qu'il essaye des choses sans forcément en tirer des conclusions, sans forcément reproduire toujours un cadre hyper carré. Mais il essaye comme ça de voir comment on peut relater des expériences d'écoute. Et par exemple, il parle de François Bell, à qui il fait faire l'écoute, donc compositeur de musique électroacoustique. Et il dit, en fait, il se dit, moi, à mon avis, Bell, il ne raconte pas son expérience d'écoute. Il raconte une analyse et il raconte surtout ce que les gens veulent, ce qu'il veut que les gens pensent de lui. Tu vois ? Ce qui n'est pas la même chose, tu vois, de voilà, donner la... Il fait un récit, en fait. Il fait presque une fiction. Plutôt que de vraiment relater ce qui s'est passé dans sa tête quand il a écouté. Et je sais plus trop pourquoi je raconte tout ça, mais... Non, mais bah, toi, tu as eu quelle expérience ça t'a donné, toi, cette expérience d'écoute ? Bah justement, on parlait un petit peu de la... Moi, j'ai parlé de la double expérience, puisque ce qu'on a entendu ce soir, j'ai pu entendre une partie dans l'expérience d'écoute, sauf que je ne savais pas ce soir ce que j'allais entendre et dans quel contexte j'allais l'entendre. Et justement, on parlait de la problématique de comment amener la personne pour essayer de verbaliser, justement, ou de donner des mots sur l'écoute, ce qui est extrêmement, moi je trouve, compliqué, parce qu'en fait, il se passe tellement de choses sur un petit fragment même de son, même ce qu'on entend maintenant. Alors en fait, notre cerveau, il se passe un million de choses. Pour moi, il se passe toujours un million de choses. Et du coup, c'est aussi difficile de dire ou d'essayer de coller avec ce que peut-être la personne va chercher dans ce qu'on va exprimer, de faire ressortir parmi cette multitude de stimuli, de choses qui sont passées très très vite dans notre cerveau, et à un moment bah, de les formaliser en fait, et à un moment, enfin, en tout cas de pouvoir les transmettre à travers le verbe, ce qui est à peu près la seule chose qu'on a pour essayer de comprendre l'écoute en fait à ce jour. Après maintenant bien sûr je pense qu'on peut le faire avec il y a les neuro d'autres études, mais et du coup on parlait du contexte justement de comment amener à pouvoir alors pas bien parler, mais en parler d'une façon assez... Dans l'après, en fait. Dans l'après, ouais, et forcément. Ouais. Ouais, ouais. On ne pouvait pas en parler tout de suite. Dans quel contexte, quoi. Exactement. Et j'ai trouvé que ce soir, j'avais mille choses à dire, alors que sur le moment de l'expérience, j'avais quelques trucs à dire, mais peut-être parce que j'étais dans mon cerveau trop prise en train de me dire « Ah, mais... » il faut que ça matche avec l'expérience, il faut essayer de donner des données qui seraient peut-être intéressantes. Donc c'est le conditionnement aussi de l'écoute. Et c'est pour ça que je me posais la question de me dire, est-ce qu'on ne devrait pas justement parler beaucoup avant ou alors pour détourner complètement, justement comme pour nous détourner en fait, du but principal de l'expérience et nous amener à une certaine forme de détente et à nous permettre de focaliser. Parce qu'en fait, comme il y a un événement sonore, on va dire, selon l'induction qu'on va avoir avant, en tout cas c'est mon avis, évidemment on va se focaliser sur tel ou tel aspect, mais parce qu'évidemment on ne pourra pas tout verbaliser, mais ça va nous induire de toute façon. Il y a toujours une induction avant une écoute. Et cette expérience-là, vous la faisiez du coup seule individuellement, donc il y avait une personne toute seule avec le casque, une personne par personne, c'était pas collectif. Non, c'était pas collectif, tout à fait. Donc ça, c'est aussi un biais, hein, évidemment. Hein. Puis c'était au casque, tu vois, donc par rapport à une écoute sur Acousmonium, on est dans un espace sonore. Une écoute au casque, ça a vraiment rien à voir. On est allongés les uns sur les autres, avec 50 personnes dans une salle, c'est clair. Y a quand même des choses comme ça qui Mais bien sûr. Ça a tout changé. L'expérience d'écoute, elle était complètement différente. D'être avec effectivement les personnes, avec tout, évidemment tout l'espace sonore, ça a tout, ça a tout modifié. Il y a un truc que j'adore, je t'ai pas coupé, c'est faire écouter des sons pianissimo à plein de gens en même temps. Des sons quoi t'as dit ? Pianissimo, tu sais, des sons très bas, okay. Très très peu fort. Et de faire écouter des sons super pas forts à plein de gens et en fait d'amener cette écoute là, tu sais, et d'arriver jusqu'à ce moment où on écoute tous ensemble, c'est un truc qui fait cool. Et ça me rend hyper heureux. Et j'ai un souvenir comme ça de la pièce instrumentale qui est un peu le miroir de la pièce qu'on a jouée ce soir, où on l'a jouée avec donc les trois copains, enfin il y avait Cyprien Bisogni, Yannick Guédon, et puis il y avait Judith Hamann qui remplaçait notre copine Deborah Walker. Et la première pièce, c'est un long décrescendo où en fait ils font un accord majeur et puis ils font juste un décrescendo pendant 10 minutes. Et c'est le début du concert, tu vois. Et on a joué dans une petite église, il y avait, je pense, vraiment une centaine de personnes, tout le monde était les uns sur les autres et les musiciens, ils sont vraiment au centre du Et ça durait, et il n'y avait vraiment pas un bruit. Et ils ont vraiment tenu super longtemps. Et quand ils sont arrêtés, tout le monde était vraiment sur des œufs, comme ça. Tout le monde a repris sa respiration. Et si tu regardes la forme d'onde de l'enregistrement, ça fait un long triangle qui s'arrête, comme ça. Et quand le public reprend son souffle, ça fait un immense bruit, un grand rectangle qui reprend. Et juste d'avoir été tous ensemble comme ça, à écouter ce truc-là, pour moi, c'est des expériences qui dépassent un peu la musique. Enfin, c'est un truc vraiment social de se dire, on est ensemble, on va... on est dans une écoute, mais en fait, c'est hyper actif. S'il y en a un qui joue pas le jeu du truc, en fait, il peut tout détruire. J'aime beaucoup faire ça. Enfin, j'aime beaucoup vivre cette expérience-là. Je sais pas, ça me donne foi en les êtres humains. Je comprends, ça recrée du collectif, ça recrée un peu de l'espoir. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'on adore le son aussi, non ? J'ai l'impression, des expériences tout ensemble. Exact, mais complètement. Et c'est pas parce que, tu vois, c'est des sons enregistrés où moi j'ai rien, je fais rien pendant le concert, tu vois, j'envoie des tops, enfin je fais rien. Mais ce serait pas pareil si on l'écoutait tout seul, quoi. Le fait de l'écouter ensemble, c'est vraiment un truc, je trouve, c'est important. Et encore, je trouve que l'écouter tout seul, c'est quand même, on rejoue quelque chose, on rejoue quelque chose et il se passe quand même, alors c'est une expérience évidemment personnelle, mais si on est en train de marcher dans la rue, le machin, en train de, avec le casque sur les oreilles, en train d'écouter le son, il y a, alors évidemment, tout est introverti ou intime, mais il se passe aussi quelque chose. Mais les gens ne sont pas au courant, c'est ça la différence. Alors que là, on vit quelque chose de collectif. On vit quelque chose ensemble. Et ça, c'est le truc trop beau de la musique, c'est être ensemble, en fait. En tout cas, pour moi, c'est un truc. Moi aussi. Voilà la fin du reportage sur Sébastien Roux et ses disparitions qui ont été diffusées hier soir dans le salon d'écoute. Et maintenant, j'ai le plaisir, parce que je suis un peu tout seul ici, d'accueillir...